gâcher la fête, j'ai cassé l'ambiance en versant des larmes sur la piste de danse. On m'a reproché mon incontinence, on m'a demandé un peu plus de décence. Bien malgré moi, j'ai jeté un froid. Je crois que d'autres ont compris pourquoi. Je me suis senti bien et mal à la fois quand le DJ a passé l'hymne à la joie. Sur la piste de danse, on m'a reproché mon incontinence. Mais comment pouvais-je leur faire prendre conscience? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je dise à ceux qui ne voyaient pas sous leurs yeux la crise? J'étais KO dès la première reprise quand le DJ a passé la lettre à Élie.